The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Branch office. La succursale. To appropriate. S'approprier. Vegetarianism. Le végétarisme. Passion. L'engouement. Are meant to. Avoir vocation à. Now, a bit faster. Branch office. La succursale. Passion. L'engouement. Vegetarianism. Le végétarisme. Passion. L'engouement. Are meant to. Avoir vocation à. Vegetarianism. Le végétarisme. To appropriate. S'approprier. Are meant to. Avoir vocation à. Passion. L'engouement. Vegetarianism. Le végétarisme. To appropriate. S'approprier. Vegetarianism. Le végétarisme. Now, use the words in context. La succursale. This company has decided to open a branch office in Asia as part of its world expansion. Cette entreprise a décidé d'ouvrir une succursale en Asie dans le cadre de son expansion mondiale. S'approprier. Since he got his driver's license, he's taken over his father's car. Depuis qu'il a eu son permis de conduire, il s'est approprié la voiture de son père. Le végétarisme. Vegetarianism allows milk and cheese consumption. Le végétarisme permet la consommation de lait et de fromage. L'engouement. The financial crisis might strengthen a passion for sales. La crise financière pourrait renforcer l'engouement pour les soldes. Avoir vocation à. A doctor's vocation is to cure people. Les médecins ont vocation à soigner les gens. La succursale. This company has decided to open a branch office in Asia as part of its world expansion. Cette entreprise a décidé d'ouvrir une succursale en Asie dans le cadre de son expansion mondiale. S'approprier. Since he got his driver's license, he's taken over his father's car. Depuis qu'il a eu son permis de conduire, il s'est approprié la voiture de son père.